Psaume numéro 139. Délivre-moi, Seigneur, de l'homme mauvais. Contre l'homme violent, défends-moi. Contre ceux qui préméditent le mal et tout le jour entretiennent la guerre, qui dardent leur langue de vipère, leur langue chargée de venin. Garde-moi, Seigneur, de la main des impies. Contre l'homme violent, défends-moi. Contre ceux qui méditent ma chute. Les arrogants qui m'ont tendu des pièges, sur mon passage ils ont mis un filet. Ils ont dressé contre moi des embûches. Je dis au Seigneur, mon Dieu, c'est toi. Seigneur, entends le cri de ma prière. Tu es la force qui me sauve. Maître, Seigneur, au jour du combat, tu protèges ma tête. Ne cède pas, Seigneur, au désir des impies. Ne permets pas que leurs intrigues réussissent. Sur la tête de ceux qui m'encerclent, que retombe le poids de leurs injures, que des braises pleuvent sur eux, qu'ils soient jetés à la fosse et jamais ne se relèvent. L'insulteur ne tiendra pas sur la terre. Le violent, le mauvais sera traqué à mort. Je le sais, le Seigneur rendra justice aux malheureux. Il fera droit aux pauvres. Oui, les justes rendront grâce à ton nom. Les hommes droits siégeront en ta présence.